Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, nous vous espérons toujours nombreux à suivre nos programmes et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. C'est pour parler aujourd'hui du retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. La décision est tombée le 5 décembre 2020. Le texte précise qu'en ce début d'une nouvelle phase pour le Burundi, le Conseil prie le secrétaire général de cesser de faire rapport périodiquement sur la situation au Burundi. Et c'est fait, la situation dans le pays sera désormais couverte dans le cadre des rapports réguliers du secrétaire général sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. En septembre 2016, l'ONU avait mis en place une commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi suite aux événements de 2015. C'est fini donc avec les rapports périodiques sur la situation au Burundi, qui par ailleurs était contestée à plusieurs reprises par le gouvernement. Quelle est alors la valeur ajoutée par rapport à cette déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU? Serait-ce une victoire pour le Burundi et les Burundais? Quelle incidence au niveau des droits de l'homme? Au niveau économique et social, qu'est-ce que le gouvernement burundais et les Nations Unies comptent gagner d'un côté comme de l'autre et d'autres interrogations probablement. Nous avons trois invités sur le plateau. Ambassadeur Albert Shingiro, c'est un honneur de vous accueillir dans notre studio. Vous êtes le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Vous étiez même ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU lors de ces événements qui étaient nés en 2015. Bonjour et bienvenue, Excellence. Bonjour, je vous remercie de l'invitation et je salue les collègues ici, les invités, je salue les auditeurs. Merci. Merci. Docteur Sixte Vigny Nimuraba, vous êtes le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, je profite de l'occasion pour vous saluer, saluer les collègues ici présents, mais aussi saluer tous les Burundais. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Dikumana. Vous êtes consultant indépendant, économiste, défenseur des droits de la personne humaine. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue les invités ici sur place et les auditeurs. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana, prise d'image de Renaud Nyongheza et Dorine Ouimana, réalisation de Jérôme Nyonzima et au micro, Léonce Vitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La toute première question, permettez que je l'adresse d'abord à vous, Excellence et Monsieur le Ministre. Vous avez accueilli avec enthousiasme, selon une déclaration à travers votre compte Twitter, la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait formel du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité. Vous affichez en tout cas une joie pour vous et pour le gouvernement sans doute. Sur quoi se fonde de façon explicite cette joie, cet enthousiasme, Monsieur le Ministre? Bon, merci beaucoup. Comme vous le dites, j'ai bien accueilli cette décision historique du Conseil de sécurité portant retrait du Burundi sur l'agenda de ce Conseil. Donc, c'est une grande victoire pour le Burundi, les Burundais, les amis du Burundi et même pour les Nations Unies parce que nous allons sortir des relations conflictuelles qui existaient entre le Burundi et certains partenaires depuis 2015 pour des raisons que tout le monde connaît. Mais maintenant, c'est aussi une reconnaissance que la paix, la stabilité est rétablie au Burundi. Donc, nous sommes très satisfaits à ce sujet. Et nous pensons que cette décision historique aura un impact sur plusieurs domaines de la vie de la nation et je vous remercie. Mmh. Sinon, si un pays figure sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui a changé? Bon, vous savez, pour être sur l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a un préalable majeur. D'abord, il faut que ce pays soit une menace à la paix et à la sécurité internationale. Deuxièmement, il faut que les pays membres du Conseil de sécurité décident que ce pays soit effectivement sur l'agenda du Conseil de sécurité. Alors, si vous êtes une menace à la paix et à la sécurité internationale, vous conviendrez avec moi que les conséquences sont très néfastes, parce que même les investisseurs étrangers, avant de se déployer sur le terrain au Burundi, doivent consulter de telles informations et ils vont hésiter d'amener leur capitaux au Burundi, par exemple. Et il y a des pays qui auraient voulu que le Burundi figure toujours sur cet agenda, mais il y en a d'autres qui ont défendu le Burundi, c'est ça? Bon, vous savez, le Conseil de sécurité est constitué par 15 membres. Et parmi les 15 membres, il y a les 5 permanents, 10 membres qui sont élus. Nous, en tant que gouvernement du Burundi, nous avons entrepris des négociations d'abord informelles, parce que souvent, si nous mettons sur la place publique ces informations, des fois, ça peut constituer un obstacle à l'aboutissement de ce que nous recherchons. Alors, ces informations, ces négociations informelles que nous avons menées avec tous les partenaires, y compris même les Occidentaux qui siègent au Conseil de sécurité, nous les avons menées ensemble et puis le langage du texte a été à la fin des négociations consensuelles et nous nous en réjouissons. Vous vous en réjouissez. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire alors pour le Burundi et les Burundais? C'est une grande victoire parce que c'est une demande légitime du Burundi que nous avons adressée au Conseil de sécurité depuis très longtemps, depuis pratiquement 2016. Donc nous pensons que cette décision constitue une reconnaissance que la paix, la sécurité, la stabilité sont revenus au Burundi et que maintenant le Burundi peut finalement passer à l'autre étape qui nous tient à cœur, à savoir le développement socio-économique du Burundi afin d'assurer le bien-être social de la population burundaise. Je reviendrai vers vous. Peut-on parler d'un sentiment de joie du côté de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Dr Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNDH? Peut-on parler aussi de sentiment de joie chez vous? Merci beaucoup. Je pense que vraiment c'est une joie qui est partagée. Parce que vous savez, à la Commission, on produit des rapports périodiques et même annuels et on n'a jamais cessé de démontrer qu'on fournit les efforts nécessaires au sein de la Commission et que même le plaidoyer et le lobbying que nous faisons auprès des institutions gouvernementales ont été toujours accueillis favorablement. Vous pouvez le voir en termes de sécurité, vous pouvez le voir en termes de respect des droits de l'homme et nous sommes sur le point où les Burundais sont très sensibilisés que chaque fois qu'il y a violation, il lève la voix et nous sommes toujours à l'œuvre, jour et nuit, pour que nous puissions démontrer non seulement qu'on fait des efforts pour respecter les droits de l'homme, mais aussi pour être un exemple dans la région. C'est ça notre objectif. Et je pense qu'avec cette décision, ça nous donne beaucoup de latitude pour travailler avec les partenaires, mais aussi pour démontrer ce qui est en train d'être fait au niveau national. Et sinon, comment se porte la situation des droits de l'homme aujourd'hui au Burundi, justement? Je pense que vous aussi, vous le voyez, la situation vraiment s'est nettement améliorée. Et en termes de droits de l'homme, vous voyez que chaque personne qui connaît un forfait et une violation, elle est déjà punie et la police a une allure vraiment très rapide pour pouvoir détecter ceux qui commettent des infractions, mais aussi la justice tranche vraiment dans un délai raisonnable chaque fois qu'il y a des rapports de violation des droits de l'homme. Je pense qu'on peut vraiment s'en féliciter, mais pour dire qu'on ne va pas arrêter ça, cette décision, ça va donner beaucoup de force à la Commission, mais aussi aux instances policières, judiciaires et même administratives de continuer et à faire de bonnes actions pour pouvoir promouvoir les droits de l'homme. Parce que vous savez, si vous faites de bonnes choses et que ce n'est pas apprécié, ça risque de vous décourager. Maintenant, on a un appui vraiment très, très solide pour pouvoir continuer le travail. Est-ce qu'il n'y a pas de défi? Les défis, il y en a toujours, parce que vous savez, le Burundi a des moyens limités. Et le défi en rapport avec les moyens financiers pour pouvoir peut-être faire les missions, pour faire des descentes ensemble, ça arrive. Mais quand même, on va essayer. Vous savez qu'avec les droits de l'homme, si les droits de l'homme sont bafoués, et ça doit avoir une incidence sur le partenariat avec les pays, mais aussi avec les organisations. Alors que la plupart des fois, on a besoin de travailler en partenariat avec et ces pays et ces organisations, et les défis viennent parce que avec ce genre de situation, on ne sera pas à mesure de pouvoir amener tous les partenaires et même les experts dont on aurait besoin. Rendons-nous chez vous. Faustin Ndikumana, économiste et défenseur des droits de l'homme, Le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça vous dit quoi? Bon, c'est une victoire pour le Burundi, bien sûr. Quand un pays figure sur l'agenda du Conseil de sécurité, il y a une image que cela comporte comme conséquence. Or, quand une image est ternie, surtout au niveau sécurité, il y a un blocage très net au niveau des investissements, au niveau des touristes, au niveau diplomatique. Donc, de telles entraves, quand ils sont enlevés, c'est une occasion pour un pays qu'il puisse se ressaisir, galvaniser toutes ses énergies pour justement commencer à s'orienter vers la croissance. Et je profite de l'occasion pour féliciter le ministre, peut-être les talents diplomatiques dont il a fait preuve pour arriver au Burundi sur cet agenda. Mais le message est que c'est honte à responsabiliser le gouvernement. C'est une belle occasion de responsabiliser le gouvernement, surtout que c'est un nouveau gouvernement, parce que si on analyse et le Burundi qui a commencé à figurer sur cet agenda, je crois, en juillet 2015, n'est-ce pas? En juillet 2015, si on compare la situation du Burundi en juillet 2015 et aujourd'hui, il y a quand même une nette amélioration au niveau de la stabilité institutionnelle. Donc, je dois dire que le nouveau gouvernement devrait saisir cette occasion pour s'attaquer aux défis de façon responsable. C'est un message très fort qui doit être interprété par le gouvernement parce que les défis restent nombreux, certes, mais c'est une façon quand même de montrer au gouvernement que, un, créer une dynamique de rassemblement citoyen. Le gouvernement doit commencer à s'attaquer à ces défis de pauvreté, de droits de l'homme, de corruption. Il y a les défis restent nombreux, certes. Il y a la commission indépendante des droits de l'homme, justement, qui est dont le président est ici. Je dois dire que cette occasion, pour moi, elle est chère. Maintenant, le gouvernement doit se sentir beaucoup plus redevable et il va faire preuve de son travail et de ses résultats. De façon un peu explicite, c'est quoi ce message que les Nations Unies adressent au gouvernement burundais à travers cette déclaration? Le Burundi figurait sur l'agenda des Nations Unies. Oui. C'est comme le ministre a dit, c'est un pays qui menace la sécurité. Donc il y a tendance à ce qu'on prenne des mesures pour aider le Burundi, pour accompagner le Burundi régulièrement. Mais aujourd'hui, on dit, le nouveau gouvernement, il est là. Il y a justement une nette amélioration au niveau des droits de l'homme, au niveau de la stabilité institutionnelle. Les institutions reconnues par la communauté internationale, elles sont là. Les institutions élues qui sont reconnues au niveau intérieur, elles sont là. Ce n'est pas la même situation que la crise institutionnelle de 2015 où il y avait même au niveau macro-politique un problème de stabilité institutionnelle. Donc cette occasion, elle est très forte parce que quand un pays a un minimum de stabilité institutionnelle, il faut lui donner l'occasion de faire preuve de sa capacité de s'attaquer aux problèmes qui rentrent aux citoyens. On ne peut pas dire que le Burundi n'a pas de défis. Les défis restent nombreux, mais le gouvernement, le ministre, il est là. C'est un message fort. Responsabilisez-vous. Montrez votre capacité à ce que le Burundi se stabilise davantage et rompt avec le passé douloureux, avec le passé sombre et lourd. Il faut que alors le gouvernement prenne cette occasion comme et une aubaine très, très chère. Donc la décision du Conseil de l'ONU aura quelle incidence alors sur les droits de l'homme dans le pays? Incidence sur les droits de l'homme, donc le gouvernement, comme je dis que le gouvernement doit se sentir beaucoup plus responsable, c'est une énergie nouvelle, le gouvernement doit prouver cette capacité, sinon, si la situation ne s'améliore pas, ça serait une tendance de nous faire reculer encore une fois. Donc, je donne le bénéfice du doute au gouvernement. J'ai confiance que cette occasion, le gouvernement doit la saisir. Donc, vous avez parlé tantôt d'une image. Donc, le Burundi a une nouvelle image devant le Conseil de sécurité. Les relations avec l'ONU vont s'améliorer. Le balai diplomatique, maintenant, va commencer, le mouvement diplomatique va commencer à être amélioré. Le Burundi, vraiment, c'est une occasion nouvelle. Vraiment, c'est une ère nouvelle qui devrait permettre à ce que l'énergie soit là. Non, pas dire une victoire, maintenant, les délices de Kapou, c'est fini. Non, c'est le commencement d'un grand voyage pour que le Burundi se stabilise, mais avec une responsabilisation nette du gouvernement dans un contexte de souveraineté nationale. Commencement d'un long voyage, vous l'entendez de cette manière, Excellence, Monsieur le Ministre. Mais vous savez, nous l'avons toujours dit, après l'installation des nouvelles institutions démocratiquement élues, qui sont là au terme d'un processus électoral historique, qui a été marqué par une transition politique historique pour la première fois, Donc, nous pensons que la présence des Nations Unies à caractère politique n'est plus opportune. Donc, maintenant, nous avons besoin d'une présence à caractère socio-économique pour accompagner le gouvernement du Burundi, par exemple, à mettre en œuvre le plan national de développement, les grandes priorités du président de la République, les 6 grandes priorités du président, qui sont quand même citées dans la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité. Donc, ce long voyage, c'est un voyage sur le plan de développement socio-économique. C'est ça qui est très nécessaire, qui est très nécessaire pour la population burundaise, pour que chaque ménage ait quelque chose, où chaque Burundais ait de l'argent dans sa poche, de la nourriture à manger. Mmh. Ce n'est pas un slogan de campagne, c'est une vision de notre président de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les relations diplomatiques avec les autres nations vont en s'améliorant? Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, les bonnes nouvelles tombent en cascade. Hein. Donc, cette décision du Conseil de sécurité tombe quelques semaines après celle de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui a aussi décidé de façon souveraine de lever les sanctions qui avaient été prises pratiquement à partir de 2015. Donc, cette décision de lever les sanctions de l'OIF, et puis un mois plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous allez voir que d'autres partenaires, notamment ceux de l'Union européenne, vont aussi suivre pour enlever les sanctions injustes qu'ils ont prises contre le Burundi. Nous sommes en contact avec eux. Ils sont de bonne foi. Nous sommes de bonne foi. Nous allons entamer des discussions, des échanges pour pouvoir cheminer ensemble afin de lever ces sanctions le plus rapidement possible. Justement, il y a une question sur ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est bientôt fini, ces sanctions qui avaient été prises par certains pays partenaires contre le Burundi, dont l'Union européenne, par exemple? Vous savez, le Conseil de sécurité est constitué par 15 membres. Et parmi les 15 membres, il y a les membres de l'Union européenne qui sont aussi membres du Conseil de sécurité. Ça veut dire que la déclaration présidentielle du Conseil a été aussi adoptée par ces Européens, en quelque sorte. Ceci pour vous dire que cette décision va influencer les décisions prochaines des pays de l'Union européenne. Nous allons entamer très prochainement des entretiens dans un esprit d'ouverture, de confiance mutuelle avec ces pays-là. Et nous pensons que, de commun accord, nous allons pouvoir enlever très rapidement ces sanctions parce qu'ils ont des conséquences néfastes pour les deux parties. Donc, nous voulons revenir à l'ancien amour d'avant 2015 entre le Burundi et ses partenaires européens, qui, comme vous le savez, sont des partenaires aussi importants pour la plupart des pays africains. Mais nous voulons des relations, bien sûr, sur base d'une coopération mutuellement respectueuse et avantageuse. Et voilà. vos attentes, les attentes du gouvernement par rapport aux relations économiques et diplomatiques entre le Burundi et les autres nations, les attentes, c'est comment? Vous savez, selon mes projections, 2021 sera une belle année de coopération, un retour sur la scène internationale du Burundi. C'est déjà même commencé, je pense que vous voyez ces derniers temps qu'il y a un retour du Burundi sur la scène internationale. Le président a effectué plusieurs voyages à l'étranger. Il a été bien accueilli par ses pairs. Il y a beaucoup d'envoyés spéciaux qui viennent au Burundi ces derniers temps. En tout cas, vous voyez qu'il y a vraiment... Le vent souffle de notre côté. Et nous pensons que le 2021 sera une belle année de coopération. Et tous les Burundais vont en bénéficier. Le vent souffle aujourd'hui de notre côté, du côté du Burundi. 2021, ce sera une année de coopération entre le Burundi et les autres nations. C'est votre point de vue aussi, docteur Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH. Merci beaucoup. Je dois vous dire que c'est sûr que 2021, ça sera une année vraiment nouvelle pour le Burundi, mais aussi pour la Commission. Parce que une décision n'est pas prise dans une nuitée seulement, c'est un processus. Si on est atteint ce processus, à ce qu'il y ait de telles décisions, ça veut dire qu'ils ont observé beaucoup de facteurs. Même si la déclaration dit seulement 2 ou 3 choses, il y a une série, une liste de choses que la communauté internationale et que même le Burundi évalue pour voir où est-ce qu'on en est. Je dois vous dire que pour nous, en ce qui est des droits de l'homme, on a toujours prôné les activités et les actions concrètes avec des résultats. Et chaque fois qu'on est en collaboration avec le le gouvernement, on vise le résultat à montrer en ce qui est de l'amélioration des droits de l'homme. Et je dois souligner qu'on avait même pressenti ça, parce qu'auparavant, quand on a commencé, je pense que c'était au début de 2019, on n'avait aucun partenaire. Maintenant, la coopération suisse est là de notre côté, l'ambassade d'Égypte est venue de notre côté. Maintenant, on est en train de faire des discussions avec le PNUD, avec le HCR. Bien sûr que même les autres pays vont venir. Ça veut dire qu'avec 2021, même pour nous, on risque vraiment d'avoir de bons résultats. Et pour qu'on puisse, comme mon collègue l'a dit, on puisse démontrer à travers les activités que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est responsable et capable de prendre en main toutes choses relatives aux droits de l'homme. Parce que c'est là où on va et la vision, vraiment, ça sera concrétisée d'ici peu. Et justement, est-ce que la CNIDH est en contact permanent, régulier avec des pays et des organisations partenaires avec le Burundi? Pas seulement des pays. On est en contact avec les ambassades, les pays, que ce soit d'Afrique ou d'Europe, même les États-Unis, mais aussi on est en contact avec les agences des Nations Unies pour qu'on puisse démontrer notre capacité. Et je pense qu'on est en train de se préparer pour qu'on puisse maîtriser la situation et que même s'il y a absence de tel bureau ou de tel autre, on soit capable vraiment de donner des rapports qui montrent exactement ce qui a été fait et qu'on est capable vraiment de remplacer et sans aucun problème et les autres institutions qui ne serait pas aussi au pays. Faustin Dikoumana est économiste, défenseur des droits de la personne humaine. Il y a monsieur le ministre de la coopération internationale qui disait tantôt qu'il s'attend à ce que 2021, l'année qui s'annonce, ce sera une année de grande coopération avec les autres nations. Votre point de vue par rapport à cette déclaration justement du ministre? Bon, les Nations Unies, les relations s'améliorent. On a vu justement que le président de la République a participé dans différents sommets sous-régionaux. Donc le Burundi, encore une fois, fait entendre sa voix au plus haut sommet dans les grandes instances internationales, dans les grands sommets. Ça aussi, c'est une avancée, il faut remarquer. Aussi, bon, la coopération Union européenne, ACP, c'est été organisée dans le cadre de l'accord de Cotonou. Je crois que l'accord de Cotonou tira sans fait aujourd'hui. Il y a une nouvelle, un nouveau cadre qui va s'annoncer de négociations entre les pays ACP, l'Union européenne, qui maintenant va être spécifique pour chaque continent. Ça aussi, c'est une nouvelle aide de dialogue pour recommencer à orienter les choses autrement. Donc, il y a lieu d'espérer que même avec l'Union européenne, les choses puissent s'améliorer. Donc, le gouvernement devait alors partir de cette aubaine de coopération internationale pour s'attaquer justement à ces défis de pauvreté. Parce que, je dois dire, il est extrêmement difficile d'asseoir le respect des droits de l'homme dans une société très pauvre. Ça, c'est une réalité. Une société pauvre, c'est difficile d'assurer vraiment le respect des droits humains. Le président de la République vient de faire un très bon discours quand il a dit que... Par rapport à la lutte contre la corruption, c'est ça? Non, il disait que l'injustice a toujours été la base de l'instabilité politique. Il a même dit que les citoyens pouvaient même maintenant dénoncer un administratif qui est en train de faire des abus. Il a dit que l'accaparement de la richesse nationale par une poignée d'hommes, ça a toujours été la base de l'instabilité politique. Il parle de la corruption quand la richesse nationale, au lieu d'être partagée par tous les citoyens, dans cette situation, si elle reste dans les mains d'une poignée d'hommes, d'hommes politiques, de quoi, c'est aussi la base de l'instabilité. De l'instabilité politique. Donc ces défis, il les a annoncés publiquement, je crois que c'était le mois de la clôture de la journée du combattant. Ça a été des mots très forts. Donc le gouvernement maintenant, il est là. Nous avons un président de la République qui annonce de très belles intentions. Il faut que le gouvernement s'attaque pour opérationnaliser, traduire dans les faits ces belles intentions. À travers un programme, une stratégie évaluable pour avancer. Donc le président... Son intention, quand, enfin, elle est bonne. Il faut que le gouvernement, qui doit être comme l'appareil technique pour concrétiser, opérationnaliser l'orientation politique du chef de l'État. Est-ce que le gouvernement est prêt à affronter tous ces défis, Excellence, Monsieur le ministre des Relations internationales? Mais vous savez, le président de la République l'a bien dit, hein, qu'il va s'attaquer très sérieusement à la lutte contre la pauvreté. Et comme vous le savez, mes collègues l'ont dit, quand le monde a faim, donc il y a possibilité de plusieurs abus. Oui, oui. Donc nous pensons que le gouvernement va sérieusement s'attaquer aux causes profondes des conflits, aux causes profondes des malentendus sociopolitiques. Ces causes sont notamment la mauvaise gouvernance, l'exclusion sociale, mais aussi la pauvreté. Je pense que vous avez entendu que le président de la République s'est déclaré lui-même le commandant de la lutte contre la pauvreté, le commandant de la lutte contre la corruption, le commandant du développement. Donc, c'est lui le commandant, nous sommes ses lieutenants et nous allons encadrer la population pour que ce défi commun soit relevé dans un proche avenir. Voilà. Sinon, la décision a été prise, le Burundi est retiré de cet agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Peut-on parler davantage des deux côtés, je dis bien du côté du Burundi et du côté des Nations Unies avec cette décision? Oui, tout à fait. C'est un avantage de deux côtés parce que, vous savez, nous étions pratiquement en format relation conflictuelle depuis 2015. Et maintenant, nous allons travailler en harmonie ensemble et puis pouvoir adopter des projets de commun accord. Et surtout, le fait que le Conseil vient de mettre fin à la présence des Nations Unies au Burundi à caractère politique. Cela signifie que les Nations Unies viennent de déclarer que les Burundais sont matures politiquement pour gérer les propres affaires politiques. Donc nous allons nous approprier pleinement de notre gouvernance politique, économique et culturelle, etc. Et laisser les partenaires, les Nations Unies, nous accompagner uniquement sur le plan socio-économique à travers la mise en œuvre du plan national de développement. Voilà. Excellence, Monsieur le ministre, lors de ces événements de 2015, vous étiez ambassadeur du Burundi auprès des Nations Unies. Qu'est-ce qui vous dérangeait lorsque les Nations Unies gardaient le Burundi sur cet agenda du Conseil de sécurité? Mais écoutez, en tout cas, vous étiez gêné, Monsieur le ministre. Il se peut que vous avez connu des difficultés. C'est tout à fait normal, parce que quand les Nations Unies organisent des réunions en cascade sur le Burundi... Cela signifie que nous étions sur la défensive tous les jours. Donc, ce n'était pas facile. Mais comme vous le savez, la diplomatie est le reflet de ce qui se passe dans le pays. Quand dans le pays, tout se passe bien, on a aussi de la facilité au niveau de la diplomatie. Donc, j'étais sur la défensive tout le temps, mais j'ai bien tenu. Vous aviez des soutiens? Oui, tout à fait. Bien sûr, je cherchais des soutiens de part et d'autre. C'est pour cela que j'ai tenu. Sinon, il y aurait des milliers de casques bleus au Burundi aujourd'hui. On serait dans une période de transition politique maintenant. Donc, je pense qu'il y a lieu de se féliciter que le Burundi reste debout. Je suis fier du combat que j'ai mené sur l'orientation de mes chefs. Comme vous savez, le premier diplomate du pays, c'est le président de la République. Donc, je recevais chaque fois des orientations du président de la République, tout en mettant, bien sûr, une touche personnelle de ma carrière diplomatique. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, vous étiez aussi en contact? Oui, mais tout à fait. Vous savez, nous, les droits de l'homme, nous attachons une grande importance à la question de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Ça, c'est clair. Nous avons les mêmes objectifs que les Européens sur ce point-là. Mais le problème, c'est comment y arriver et par quelle voie il faut y arriver. Donc, c'est ça qui diffère. Sinon, l'objectif commun pour tous les pays, c'est de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Nous sommes seulement contre la politisation des droits de l'homme ou l'usage des droits de l'homme pour réguler la politique dans les pays du Sud. Regardez par exemple, si un mécanisme X des Nations Unies est créé et que certains pays qui ont la main longue utilisent ce mécanisme pour réguler la politique dans les pays du Sud, décider à la place des citoyens africains, décider qui va être président, décider qui va être ministre, c'est pas cela que nous voulons. Mais la promotion des droits de l'homme doit se passer à travers une coopération mutuellement bénéfique et respectueuse, notamment par l'assistance technique et le renforcement des capacités des mécanismes nationaux chargés de ces questions-là, dont notamment la CNDH et d'autres mécanismes nationaux. C'est extrêmement important. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Politisation des droits de l'homme. Il se peut qu'on en a parlé aussi pour le Burundi dans ces périodes-là. Docteur Sixte Vigny-Nimoula, président de la commission. Je pense que la politisation, c'est une chose réelle. Tout le monde le connaît. Mais l'essentiel pour nous et aussi pour la commission, c'est que nous avons fourni des efforts un peu exceptionnels pour pouvoir expliquer notre visée, mais aussi défendre le pays à travers des actes et des actions concrètes. Mmh. Parce que si vous avez fait des interventions et que vous avez le résultat en collaboration avec les membres du gouvernement, le résultat est palpable, vous ne pouvez pas nier. Mmh. Et je pense que même le résultat qu'on a maintenant, ce qu'il y a eu des résultats que vous ne pouvez pas nier. S'il y a la sécurité et la paix, ça c'est la réalité que vous ne pouvez pas nier. Donc ça veut dire qu'on essaie chaque fois d'être vigilant pour qu'on ne puisse pas tomber dans son piège. Parce que les droits de l'homme, c'est une affaire complexe et que vous devez toujours réfléchir avant de réagir. C'est aussi votre point de vue, Faustin Likoumana, politisation de... Ce qui est perceptible, et plus vous êtes pauvre, plus vous avalez de la couleuvre. Au niveau des questions des droits humains, c'est tout à fait normal. Mais je dois dire que la question des droits humains devait être une préoccupation des autorités d'abord. Parce que les droits de l'homme, ce sont les droits des Burundais. Ce ne sont pas les droits des Français, des Togolais, ce sont les droits des Burundais. Si on tente à politiser la question des droits de l'homme, on peut, au niveau diplomatique, justement, faire son travail, mais ça n'exonère pas les institutions de continuer à travailler ou bien aussi essayer de couvrir ceux qui violent les droits de l'homme, soi-disant qu'on est en train aussi de lutter contre la politisation des droits humains. Donc, si quelqu'un se rend coupable d'une violation des droits de l'homme, il faut qu'elle soit punie. Que ce soit une autorité supérieure, une autorité subalterne, il faut qu'elle réponde devant la justice de ses actes. Donc, la politisation peut être au niveau macro-politique, mais... je dois dire que ça n'exonère pas un gouvernement de continuer à être sensible sur les questions des droits de l'homme de ses citoyens. Ces institutions comme la CNDH, si quelqu'un subit une injustice quelque part, on ne peut pas dire celui qui a commis l'injustice. Il faut ne pas l'opinir parce que la déclaration des Nations Unies a dit ceci et cela. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Si quelqu'un se rend coupable d'une violation des droits humains, on ne peut pas ne pas le dénoncer ou le punir parce qu'il y a une déclaration ici. On peut gérer au niveau politique, macro-politique, les intérêts, la géopolitique, tout ça. Mais le citoyen doit avoir accès à la justice. Il y a une petite question que je voudrais adresser à vous, Faustin Likoumana. Il y a une organisation dont vous étiez à la tête, PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités, c'est ça. Elle a été suspendue il y a quelques années. Est-ce que vous attendez à la reprise de ces programmes un jour? Vous n'y tenez pas? C'est là où j'allais arriver, parce que je dis que le gouvernement, il est grand temps de rouvrir l'espace, de chercher tout, la contribution des uns et des autres. Je crois que cette question aussi, elle a été évoquée dans plusieurs rencontres que je fais avec certaines autorités. Je crois que bientôt le ministre, il est là. Je crois que bientôt la mesure sera levée. Très prochainement. Et nous attendons impatiemment de la levée de cette mesure pour continuer à contribuer dans ce pour relever ces défis. Est-ce que vous faites des demandes officielles? Incessamment, je ne vais pas dire tout ici, mais je crois qu'à ce niveau, on est en train de faire beaucoup de choses pour que justement cette entrave puisse être levée pour que nous soyons. Sinon, oui, pour le reste. Nous nous retrouvons dans un autre parce que la mesure aussi a été prise, justement. Pour le reste, il y a le ministre qui disait tantôt que c'est un avantage des deux côtés, et pour le Burundi, et pour les Nations Unies, et pour les autres nations, donc, par rapport à cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est aussi votre point de vue? Donc, quand les relations diplomatiques entre les Nations Unies et le Burundi s'améliorent, c'est déjà grand-chose. Ça veut dire qu'il y aura échange d'expérience, de coopération. D'ailleurs, même quand on était à Genève, je me souviens que le système des Nations Unies était parmi les premiers bailleurs qui allaient financer le CCRP2. Je crois qu'aujourd'hui aussi, si la mesure est prise, et ça, c'est une nouvelle ère qui est ouverte entre la coopération des Nations Unies et le Burundi. Mais toujours la responsabilité du gouvernement de profiter de cette situation pour qu'il y ait de la valeur ajoutée au niveau de la gestion des affaires de l'État ici. Valeur ajoutée, justement. Et une question, c'est une question que je voudrais poser à tout le monde ici. De façon globale, quelle est la valeur ajoutée par rapport à cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies? Au niveau économique, au niveau social, au niveau politique, etc. Au niveau diplomatique, quand les relations des Nations du Burundi avec les Nations Unies s'améliorent, ça veut dire que c'est une ouverture. Comme l'a dit là, beaucoup de pays qui sont aux Nations Unies, c'est une occasion pour que le ballet diplomatique puisse encore puisse redynamiser et pour l'intérêt supérieur du Burundi. Vous savez, le Burundi, c'est un pays qui y a besoin des visiteurs. Nous avons des potentialités touristiques. Le secteur touristique au Burundi est l'un des secteurs qui ont été identifiés comme porteurs de croissance. Ça veut dire que c'est dans cette orientation, dans cette optique, pour que le Burundi puisse encore enregistrer beaucoup de voyageurs, de visiteurs. Et dans la sous-région, c'est le Burundi qui a enregistré moins de performances dans le secteur touristique, au niveau de la collecte, au niveau des fonds, au niveau des recettes dans ce secteur, au niveau aussi des visiteurs. Je crois que ce sont des secteurs identifiés qui pourront avoir aussi de bouffées d'oxygène. Il y a les investissements directs étrangers. Vous savez que le Burundi aussi, sur ce point, il est à la queue du peloton. Ça veut dire que le Burundi peut avoir une augmentation des investissements directs étrangers. Dans le contexte de partenariat public-privé, il y a des potentialités ici au Burundi, des ressources naturelles dont dispose le Burundi qui ne sont pas exploitées. C'est une occasion de avoir des investissements parce que nous souffrons beaucoup du manque de capitaux pour investir. Donc, ce sont tous ces avantages qui pourraient, si une fois justement le gouvernement s'y engage pour que cette valeur ajoutée profite à tout le monde, ça peut même descendre jusqu'au petit. On parle aussi de manque de devises. Quand le manque de devises, les investissements étrangers, la coopération, tout ça. C'est quelque chose qui peut donner de bouffées d'oxygène au gouvernement, surtout dans les recettes, les devises, l'investissement, la croissance économique. Les indicateurs qui étaient au rouge peuvent avoir une nette amélioration. Donc, au niveau économique, c'est tout cela. Cette mesure, vraiment, c'est une mesure qui donne de l'espoir. C'est une mesure salutaire. Excellence, Monsieur le Ministre, la valeur ajoutée de façon globale, c'est comment? Oui, merci beaucoup. Bon. À travers différents domaines de la vie du pays. Cette décision du Conseil de sécurité aura de l'impact dans plusieurs domaines. Commençons par le domaine diplomatique. D'abord, il y a l'image du pays. L'image du pays, nous retrouvons notre image, l'image qui nous revient, l'image que nous méritons parce que quand nous étions sur l'agenda du Conseil de sécurité, nous projetions l'image d'un pays à problème. Donc maintenant, cette décision montre un retour à la normalité politique au Burundi. Alors, il y a aussi le respect. Le respect, le Burundi va se faire respecter dans les forums internationaux. Le Burundi sera respecté et puis il y a aussi la souveraineté nationale qui est recouvrée. Donc, sur le plan diplomatique, donc, les gains sont énormes. Et puis sur le plan économique, comme vous le savez, à la prise de mes fonctions, j'ai déclaré que la diplomatie économique allait être au centre de mes priorités. Cela signifie quoi ? Je suis en train de faire en sorte que nous sortions de l'ancien format d'aide au développement où nous étions supposés recevoir de l'argent frais alors qu'il n'en était rien. Cet argent retournait à l'extérieur par l'autre main. Donc je vais concentrer mes priorités sur les échanges internationaux, et le transfert des technologies, les investissements étrangers qui peuvent occasionner la création d'emplois localement pour nos jeunes qui constituent plus de 60% de la population. Donc c'est de cela que je vais faire et sortir définitivement de l'ancien format et de développement parce qu'on ne sait pas qui est de qui. Hein. Justement, avant 2015, le budget du gouvernement burundais était financé à un peu plus de 50% par les partenaires internationaux, les partenaires européens et autres. Est-ce que ça va reprendre ou le gouvernement a toujours cette ambition de financer son budget annuel à 100%, vers 100%? C'est comme ça. Vous savez, actuellement, le budget national est à 85% d'indépendance. C'est vraiment un record. Et vous savez que nous avons même financé les élections à 100% par des ressources nationales, ce qui arrive très rarement au niveau des pays africains. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, je dois être très, très clair là-dessus. Nous n'allons pas accepter que des étrangers financent notre budget de fonctionnement. Alors nous, nous allons continuer. La décision, elle est déjà. Elle est là, elle est claire, elle ne recule pas. Cela signifie que le budget de fonctionnement du gouvernement, le contribuable burundais va continuer à financer ce budget-là. Néanmoins, les budgets d'investissement, nous allons garder les relations avec les partenaires pour qu'il y ait de l'injection des moyens au niveau des projets d'investissement qui peuvent occasionner la création d'emplois au niveau local. Il y a une différence. Budget d'investissement, budget de fonctionnement. Tout à fait. La différence est très, très nette. Donc, nous allons continuer à recevoir des appuis au niveau des investissements. Sinon, au niveau du gouvernement, nous allons continuer à croître le taux d'indépendance de notre budget national. Nous pensons que d'ici 2 ans ou 3 ans, les 15% qui restent pour avoir un budget de fonctionnement 100% financé à 100% par des ressources nationales, je pense que nous allons atteindre 100% dans les prochaines années. Voilà. Monsieur le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Sixte Vigny Nimuraba, un mot à dire aussi de votre part par rapport à cette valeur ajoutée à travers différents domaines de la vie du pays et par rapport justement à ce financement. Deux façons de financement. Financement du budget de fonctionnement et financement du budget d'investissement. Oui, je dois commencer par la dernière, en rapport avec la différence entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Pour nous, on prend toujours l'indépendance. Et je pense que le Burundi devrait prôner l'indépendance avant toute chose. Et si vous êtes indépendant, vous devez être indépendant non seulement politiquement, mais aussi économiquement. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance politique si vous n'avez pas d'indépendance économique. Ça veut dire que je soutiens cette idée. Mais quand même pour l'investissement, aussi pour les autres activités clés que le Burundi aura sollicitées, je pense que ça serait bien que les bailleurs ou même les partenaires étrangers puissent vraiment venir appuyer. Pour la première chose, quelque chose en rapport avec la valeur ajoutée. Oui. Je dois dire, avec la décision, il y a quelque chose que j'espère qui va changer. Les Burundais ne vont pas continuer à grande allure à vendre des mensonges. Parce que vous voyez que la vérité, après juste quelques temps, ça finit par venir. Donc, ça veut dire que les gens qui peuvent penser qu'ils peuvent toujours chercher des choses à publier ou même à avancer, qui ne sont pas fondées, et ce qui n'implique pas qu'on ne va pas continuer à faire notre responsabilité, d'avoir notre responsabilité. Donc, la lutte contre les mensonges, ils voient qu'il y a toujours une fin. Autre chose, ça va favoriser le partenariat. Parce que du moment où vous avez la confiance avec le partenaire, donc le partenaire est prêt à avoir confiance en vous. Et vous savez que le manque de confiance a beaucoup d'impact négatif. Si vous ne croyez pas à la personne, même s'il vous apporte de l'eau à boire, vous allez penser que c'est du poison. Ça veut dire que ça va aider. Autre chose, je pense que ça va aider les Burundais à contribuer positivement en ce qui est de la coopération et de la sécurité. Je dois souligner ici qu'il faut que quand même on éveille la conscience des Burundais pour qu'il n'y ait pas de Burundais qui continue à parler de mauvaises choses envers son pays, parce que le patriotisme doit être renforcé. Nous devons bien sûr dire ce qui ne va pas, mais quand même, il faut quand même qu'on ait le courage de dire ce qui va. S'il y a des efforts qui ont été fournis, en ce qui est de la lutte contre la corruption, s'il y a des choses qui ont été faites, en ce qui est de la promotion de la société civile, si par exemple demain, j'entends qu'il y a 2 ou 3 organisations qui avaient été peut-être suspendues, qui regagnent encore la permission, ça il faut quand même qu'on le dise au Burundi, même à l'étranger. Autre chose, il faut quand même qu'on lutte contre le chômage. Et avec ce partenariat, avec la levée du Burundi sur l'agenda, je pense que le plan est déjà clair pour le Burundi, le plan national de développement, mais aussi l'initiative qui est louable d'identifier les jeunes chômeurs et les sans-emploi. Il faut quand même que ces partenaires puissent prendre conscience de ces initiatives prises par le gouvernement et qu'ils puissent vraiment voir, discuter avec le gouvernement comment aider à ce que ce défi soit levé. Avant de terminer, je dois dire que en ce qui est des droits de l'homme, il faut quand même que les Burundis comprennent que, bien sûr, on réclame nos droits, mais aussi nous avons des devoirs. Oui. parce que vos droits doivent s'arrêter là où commencent les autres droits, les droits des autres. Il y a des Burundais qui pensent qu'ils peuvent réclamer tout, mais aussi faire descendre le Burundi et même les Burundais en bas, dans l'enfer. Donc, il faut quand même qu'on ait la conscience que dire que j'ai mes droits, hein, ça veut dire que je vais violer tes droits. Et pour le pays, ça va de même. Si on demande au gouvernement du Burundi de respecter tes droits, il faut quand même qu'on songe à respecter les droits du pays, parce que le pays aussi a ses droits. Je pense que si on continue avec comme ça, on aura d'autres nouvelles mesures positives. Je pense que vous avez suivi la déclaration de la CNDH. Il y a des choses qu'on prend toujours et qu'on demande. On a même demandé au président de la République de voir comment libérer certains prisonniers, de voir comment donner la grâce présidentielle, tout comme ça. S'il y a un bon climat, ça veut dire que le Burundi aura peu de peur à ce qui est même des personnes, parce que ce qui est mauvais, ce n'est pas de commettre une infraction, c'est de continuer dans la même période. Mais si vous êtes conscient et que vous comportez bien, vraiment, on demande au gouvernement du Burundi, je profite de l'occasion parce qu'on a le ministre ici présent, de plaider en faveur des détenus pour qu'on puisse vraiment donner la chance à ce que ces détenus aussi viennent contribuer au développement. Il y a des gens qui ont des connaissances qui sont dans les prisons, qui peuvent venir enseigner à l'université. Il y a d'autres qui peuvent venir faire des travaux de développement pour aider le Burundi. Dis-moi si il y a des gens qui ne présentent pas de danger de sécurité pour le pays. C'est le temps pour que le Burundi puisse prendre une décision là-dessus. Si vous permettez, je voudrais revenir très rapidement sur un élément important sur l'impact positif de cette décision sur le plan économique. Je disais au début de l'émission que quand un pays se trouve sur l'agenda du Conseil de sécurité, les investisseurs étrangers, les touristes hésitent de venir dans ce pays-là parce qu'ils consultent l'Internet. Maintenant, c'est très facile avec l'Internet. Ils regardent si ce pays se trouve sur l'agenda du Conseil, donc ils ne peuvent pas prendre de risques pour venir investir dans ce pays-là ou faire du tourisme. Et vous les attendez nombreux ? Absolument. Dans les jours à venir. 2021 sera une belle année de coopération, je le souligne encore. Et tant que vous avez le micro, Excellence Monsieur le Ministre, vous disiez tantôt qu'il faudra faire en sorte que le Burundi finance son budget de fonctionnement. Vous projetez jusqu'à 100% ce financement. Mais si le contribuable burundais continue à financer le budget de fonctionnement de l'État, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de peser beaucoup plus lourd sur la population? Non, pas du tout. Je pense que nous sommes avec un économiste. Tout dépend de la production dans le pays. Donc nous sommes en train d'inciter la population à produire pour augmenter la productivité dans le pays. Et cela pourra amener le contribuable burundais à continuer à financer son budget de fonctionnement. Mais vous savez, qui finance le budget national des Occidentaux? C'est eux-mêmes, c'est le contribuable occidental qui finance ça. Donc nous pouvons faire la même chose, mais au niveau du budget des investissements, nous allons solliciter les partenaires et comme ça, les deux budgets se complètent parce que s'il y a des investissements ici et que le gouvernement se prend en charge sur le plan fonctionnement, c'est extrêmement important. Imaginez-vous, si quelqu'un vous donne à manger, est-ce que cette personne n'a pas du pouvoir sur vous? Donc, nous ne voulons pas que, par exemple, les salaires des fonctionnaires soient payés par un budget provenant d'un État étranger. Donc, cela risque d'altérer en quelque sorte la fierté du pays et aussi la souveraineté du pays. Donc, nous sommes très ouverts pour les investissements, mais pour le budget national, nous continuons à encourager la population, à accroître la production, lutter contre la pauvreté, accroître la croissance économique. Donc, je suis avec un économiste qui pourra peut-être m'épauler. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Justement, Faustin Dikoumana, est-ce que vous avez un mot à placer? Il faut une prudence, parce que quand on dit un budget d'un pays, le budget est unique. Budget fonctionnement, budget investissement, c'est le budget de l'État. Parce que l'investissement vient justement pour renforcer même le financement du fonctionnement. On ne peut pas parler de croissance économique sans investissement. La situation actuelle du Burundi, l'état de pauvreté actuel du Burundi, exige vraiment une relance économique viable. Je dois dire que le gouvernement plutôt devrait pencher à faire une stratégie globale de mobilisation des ressources intérieures et extérieures. Que ce soit des dons, que ce soit des emprunts, que ce soit quoi, mais on doit faire une stratégie de mobilisation des fonds. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la construction des barrages, de l'énergie, des routes. Vous voyez l'état des routes maintenant. Équiper nos écoles. L'école des écoles de métiers ne sont pas équipées. On ne peut pas dire qu'on a un peu de fonctionnement, alors que même nos écoles de métiers ne sont pas équipées. Quand on veut, par exemple, à engager les enseignants, recruter les enseignants. On ne recrute pas un nombre suffisant. Arrête dans les directions scolaires, dans les DPE, on dit direction provinciale de Cibitoke. On a besoin, par exemple, d'un tel nombre d'enseignants. Mais le gouvernement va embaucher, par exemple, la moitié ou le tiers. Ça veut dire qu'il y a encore un problème équiper nos écoles. Les enseignants suffisants, l'équipement des écoles, vous savez, les livres, les quoi. Vous savez, les défis qui se trouvent à l'enseignement. On ne peut pas redire parce qu'on a payé un salaire d'un fonctionnaire. C'est suffisant. Je dois dire même dans les pays occidentaux, les gouvernements s'endettent. Peut-être eux, ils ont la capacité, la confiance de s'endetter auprès des partenaires. Mais il y a des pays comme le Burundi qui doivent encore chercher des financements, des emprunts dans des conditions préférentielles. On ne peut pas dire que c'est des publics au développement. Ce sont des financements avec des conditions préférentielles, un taux d'intérêt bas. Ou bien on vous donne un crédit avec André de Grasse de 3 ans, on commence à rembourser après 3 ans. Parce que jusqu'à maintenant, il faut plutôt que le gouvernement pense à lutter contre la pauvreté à partir même des financements extérieurs pour augmenter le nombre de contribuables. Maintenant, au Burundi, la structure de la fiscalité. 10% des contribuables financent 90% des recettes de l'État. Combien de Burundais qui contribuent au budget de l'État, qui paient des impôts à partir des revenus? C'est peu, c'est beaucoup. C'est peu. Ils vont plutôt relancer l'économie pour augmenter le nombre de contribuables. Donc, le gouvernement a la lourde responsabilité de mobiliser les ressources extérieures pour relancer l'économie intérieure afin d'augmenter le nombre de contribuables. Si, par exemple, la route est, par exemple, Gitega, Bujumbura, c'est une route qui relie les deux capitales. Si la route est bien modernisée, ce sont les relations économiques entre opérateurs économiques burundais qui s'améliorent. Ce n'est pas un Burundais, un citoyen burundais qui va financer cette route. Il faut qu'il y ait l'ouverture. Donc il y a une stratégie, il y a une stratégie globale de mobilisation des ressources, budget, fonctionnement, budget. Budget, investissement. Monsieur le ministre, pour que justement cette croissance puisse améliorer les conditions de vie des citoyens afin que justement le nombre de contribuables puisse augmenter. Il y a monsieur le ministre qui dit qu'il y a un mois à dire sur ça. Rapidement. Très rapidement. Très rapidement. C'est très important ce qu'il dit. Le gouvernement est en train de faire tout ce qu'il peut faire pour accroître l'assiette fiscale, pour faire la promotion de la mobilisation des ressources nationales pour le budget de fonctionnement et des ressources extérieures pour le financement de certains projets d'investissement. Les deux se complètent, c'est très important. Nous le faisons à travers, par exemple, le civisme fiscal, le patriotisme fiscal que nous sommes en train d'inculquer auprès de la population burundaise pour que contribuer au financement, au budget de financement pour les Burundais ne soit pas un fardeau, que les Burundais le fassent de façon supportive. Voilà. Par exemple, nous avons un plan national de développement, PND. Il y a ce qu'on appelle un plan d'action priorité, PAP, qui de 2018 à 2022. Donc maintenant, l'année prochaine sera 2021. Il faut par exemple qu'on fasse l'exercice d'évaluer le niveau de mise en application du contenu du PAP, du plan d'action prioritaire, pour voir justement la capacité interne de mettre en application le PND, pour voir comment alors asseoir cette stratégie de mobilisation de façon globale, de façon macro, les ressources. Il doit y avoir en tout cas des programmes macro, comme vous le dites, pour garder cette confiance qu'affiche le Burundi devant les autres nations, à travers justement cette décision du Conseil de sécurité de retirer le Burundi de cet agenda. De mobiliser les ressources et les finances. Vous avez quelque chose à dire, monsieur le président de la CNIDH. Président de la CNIDH, nous tendons vers la fin de l'émission. Le vent souffle de notre côté. Merci beaucoup. Je dois dire qu'avant tout, ce qui fait qu'il y ait croissance économique, il faut qu'on puisse revoir le climat des affaires. Mmh. Et l'étape actuelle, c'est ça. Si donc on a enlevé le Burundi de la liste, ça veut dire que le Burundi a obligatoirement la mission de montrer exactement que le climat des affaires ici est favorable pour que les investisseurs puissent venir. Mais aussi, il faut quand même comprendre que la situation du Burundi est particulièrement axée sur la production interne, mais aussi sur l'agriculture. Si je vois les discours qui sont prononcés par les membres du gouvernement, on va vraiment favoriser plus l'agriculture, mais aussi l'exploitation des minerais. Si tout ça est fait, à condition que la corruption vraiment soit sérieusement combattue pour qu'on puisse vraiment atteindre un développement, ça sera vraiment une bonne chose. La différence entre ce budget de fonctionnement et d'investissement, bien sûr que c'est très important, mais quand même, si on ne combat pas la corruption vraiment très sérieusement, on ne va pas y arriver. Mais le climat des affaires, c'est sur les droits de l'homme, c'est la sécurité. Donc, vous voyez, maintenant, si vous voulez avoir une pharmacie, je ne sais pas le procédé comprend. Il faut quand même qu'on puisse tout voir et monitorer la situation pour que s'il y a des investisseurs qui viennent, parce que je suis enchanté de voir qu'à travers le ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être mis en œuvre pour inciter non seulement les étrangers, mais aussi les Burundais diaspora pour qu'ils puissent venir, parce qu'il y a des Burundais qui ont les capacités financières pour investir. Donc ça veut dire que ça va être une contribution de tout un chacun. Comme on le fait pour les droits de l'homme, on doit le faire pour l'économie, pour que le développement économique puisse vraiment prendre ses assises au Burundi. Une petite question que je voudrais poser à vous tous ici. Est-ce qu'il y aurait un mot à dire par rapport à un certain nombre de Burundais encore en exil? La décision est tombée de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies, le retrait du Burundi de l'agenda de ce Conseil de sécurité, la décision est tombée et il faut garder cette confiance. Y a-t-il quelque chose à dire par rapport à ces Burundais en exil? Ce que j'ai à dire, c'est d'abord de les inviter à regagner la patrie. Parce que vous ne pouvez pas être bien établi à l'étranger et dire que vous êtes à l'aise. C'est la patrie, ils doivent rentrer. Et je pense que la situation actuelle leur permet leur réintégration. J'ai eu la chance de participer à des séances de rapatriement, que ce soit du côté de la Tanzanie ou bien du côté du Rwanda. J'ai vu que quand même, il y a des efforts exceptionnels du gouvernement quant à l'accueil. Ça veut dire que s'ils rentrent, ils vont aussi contribuer au développement et avec l'esprit d'ouverture et de collaboration et de gestion même des relations sociales entre les Burundais, rapatriés et résidents. Je pense que le gouvernement a déjà montré son faveur de les accueillir. Il faut qu'ils viennent et la situation est calme au Burundi. Faustin Ndikumana. Plutôt, je crois que le gouvernement devrait aussi avancer sur l'élan de la réconciliation. Vous savez, le Burundi a été frappé par beaucoup de crises. Et il y a la crise de 2015, il y a les crises du passé. Je crois qu'avec 2020, avec le nouveau gouvernement, je crois qu'il faut avancer vers la réconciliation. Les chemins sont... Il faut ouvrir le débat, ouvrir l'espace. Donc, les chemins sont nombreux. Pour que la réconciliation puisse être une réalité. Mais ceux qui sont à l'exil, même s'il faut aller même à la grâce présidentielle, dans le cas échéant, les chemins sont nombreux pour que vraiment cette réconciliation, on la mérite. Cette responsabilisation du gouvernement, il faut être aussi allé à la magnanimité. Les petits soucis, les petits problèmes, il faut vraiment nous réconcilier avec nous-mêmes pour traiter tout ce qui a fait que le Burundi tombe dans une crise, on cimente vraiment de façon définitive, on s'oriente vers la réconciliation totale et la relance économique. Donc le gouvernement pourrait profiter de cette occasion, avancer vers une réconciliation, une nouvelle, comme l'a dit 2021. Une belle année. Un mot à placer, monsieur le ministre. Oui, comme vous le savez, les Burundais, nous assistons ces derniers temps au retour massif des réfugiés burundais qui avaient fui le pays en 2015, en provenance des pays voisins, y compris certains pays qui avaient constitué des obstacles artificiels au retour des Burundais. Ces obstacles sont en train d'être levés. J'appelle ça des restrictions artificielles pour certains pays. Donc, ces Burundais qui rentrent massivement, c'est un bon signal pour les autres Burundais qui hésitent encore. Parce que ce retour massif signifie qu'il y a rétablissement de la paix, de la stabilité, de la confiance entre les Burundais. Donc, nous invitons tous les Burundais, y compris ceux qui hésitent encore, de rentrer au Burundi pour participer à l'édification de notre pays. Bien évidemment, il y en a qui ont des soucis, qui ont un contentieux judiciaire avec les autorités judiciaires ici. Ces gens qui ont des soucis au niveau de la justice, la justice pourra s'en occuper. Mais pour d'autres qui ne sont pas poursuivis par la justice, bien évidemment, ils sont les bienvenus à tout moment. Même ceux qui sont poursuivis, ils peuvent rentrer et comparaître devant la justice et bénéficier du droit de la défense de leur choix. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ambassadeur Albert Shingiro, je le rappelle que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Monsieur Sixte Vigny Nimuraba. Je rappelle que vous êtes le président de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et merci de votre contribution à cette émission. Et je vous remercie aussi. Et merci à vous, Monsieur Faustin Dikoumana, économiste, défenseur des droits de la personne humaine. Merci d'être des nôtres à travers cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une émission réalisée par Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongheza et de Rine Ouimana. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitalio. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.